3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was. On Tuesday, and it was. Ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Salut la team! Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Cette semaine, vous le voyez, je suis tout seul. Mais c'est pas un souci, parce que moi j'ai vu pas mal de choses dans l'actualité des Knicks. On va en parler, on va en revenir sur les faits marquants. Et Dieu sait qu'il y en a encore eu beaucoup cette semaine. Et aussi, on va s'attarder sur ce qui va venir la semaine à venir. Alors, on perd pas plus de temps et on parle de l'actualité des Knicks. Alors, une belle petite semaine avec pas mal de choses, tellement de choses que les visuels s'entremêlent, mais voilà, voili voilou, on revient. Qu'est-ce qui a commencé pour débuter la semaine passée des Knicks? On avait déjà la réception du Jazz au Madison Square Garden, il y a eu des petites embrouilles, bon, on va y revenir, mais il y a eu surtout la réception des nouveaux meilleurs ennemis des Knicks, les Atlanta Hawks et le fameux Trae Young. Ça nous a permis de retrouver Kevin Knox, qui faisait son retour dans la grosse pomme. Bon, un petit retour furtif, on va dire. Et puis Atlanta, concurrent direct dans la course au play-in. Atlanta 10e de la conférence, les Knicks 11e, 12e, qui aimeraient bien venir chatouiller, gratouiller leur place, ça va être compliqué. Et donc c'était une affiche attendue forcément, trois victoires à 0 pour les Knicks au début de saison contre Atlanta, chez eux et à la réception à Noël. Et là, c'était le quatrième acte, allait-il y avoir un sweep ou non? Le Garden a réservé son verdict et on va y revenir. Donc ça, c'était l'affiche attendue dans la semaine passée. Et puis, il y avait aussi quelque chose d'autre qui était attendu. Un petit Français, Cocorico. Alors non, c'est plus Frank Ntilikina. Hein. Il est plus à New York depuis un petit moment. On ne sait plus où il est d'ailleurs. Mais c'était Evan Fournier. Evan Fournier qui a une semaine plutôt intéressante. Et puis qui a une saison faite de haut et de bas. Et là, c'était plutôt les hauts avec le record en saison pour le plus grand nombre de shoots à 3 points inscrits par un joueur des Knickerbockers. En une seule saison, ça y est, Evan a inscrit son nom dans les livres d'histoire de la franchise et il passe la légende John Starks. Donc bon, c'est sûr que c'est plus la même NBA, que John Starks avait un volume plutôt intéressant avec 217 shoots à 3 points. Evan l'a dépassé. La ligne est plus loin, c'est vrai, certains l'ont fait remarquer, mais voilà, on n'est pas dans la même NBA, on prend beaucoup plus de shoot à 3 points, et Evan est venu pour apporter cette menace offensive de loin, derrière l'arc. Eh bien, même si sa saison est faite de haut et de bas, on peut dire qu'il a réussi son pari avec ce record qui lui appartient désormais, et Dieu sait jusqu'où il ira. Si vous voulez consulter le top 10 all-time des meilleurs snipers des Knicks, il y a ça sur la chaîne KNF TV. On a un top and flop, et en l'occurrence, c'est des tops, avec les 10 meilleurs shooters all-time. Et peut-être que notre français Evan va peut-être y intégrer ce top 10, on ne sait pas. Peut-être pas cette saison, je vous laisserai vérifier les compteurs, mais pourquoi pas la saison prochaine, ce qui ferait une belle entrée encore en matière en orange and blue. Bon, ça c'était les petites news, les petites brèves. Mais voilà, on va reparler de ce qui s'est passé sur les terrains. Et ça a été plutôt positif. Si. On a un petit peu perdu cette habitude d'avoir plus de victoires que de défaites. Et cette semaine, il y a eu plus de victoires que de défaites. Si. Alors ça intervient peut-être un petit peu trop tard dans la saison. C'est certain, l'objectif d'accrocher une place en play-off, ça fait un petit moment que ça reste un rêve et que ce rêve risque de se terminer par des regrets. Mais cette semaine, il y a plus de victoires que de défaites, donc c'est bien pour les parieurs, c'est bien pour les joueurs qui jouent, les petits jeunes pour certains, on va revenir dessus. Et puis c'est bien pour le public, c'est bien pour la dynamique sur la fin de saison, même si ça n'ira pas permettre de gratter cette place dans le top 10, même si ça ne permettra pas d'aller choper un super lottery pick à la draft. Quoique, La loterie, ça reste un tirage de boules de ping-pong. Sur un gros coup de chance, on pourrait avoir un bon pic. Mais bon, ça a l'air quand même plutôt compliqué. Donc ça va être une saison où, on l'a dit, on le répète, il y aura finalement pas de play-off, pas de play-in et pas de haut pic de draft. Un été qui risque d'être compliqué dans le bureau du front office. Sur le terrain, la semaine dernière, lors de la dernière vidéo, il y avait le match du Jazz, qui était une réception au Garden, et un Utah Jazz avec Donovan Mitchell, avec Rudy Gobert, qui ont largement dominé les Knicks. Ils n'ont pas réellement été inquiétés de la rencontre, et les Knicks qui étaient à la traîne tout le long. Bon. Est-ce qu'il fallait réellement prétendre une victoire? Ça aurait été bien sur le papier, mais dans les faits, faut pas oublier que le Jazz, c'était l'ancienne équipe numéro 1 de la conférence Ouest la saison dernière. Cette saison, c'est plus compliqué pour eux. Ils oscillent entre la 4, 5, 6e place, mais bon, ça reste quand même une équipe plutôt au jeu établi, même sans Bogdanovic. Je mélange toujours entre le Bogdan et le Boyan, mais de toute façon, on a croisé les deux dans la même semaine. Voilà, donc privé de ce sniper, privé de Mike Conley, leur meneur vétéran qui n'est plus à présenter, le Utah Jazz n'a pas eu trop de difficultés. Un Donovan Mitchell très fort. Donovan Mitchell, hein, le petit enfant, on va dire, du coin, fan des Orange and Blue. Alors, Orange and Blue, c'est pas forcément les Knicks, hein, vous emballez pas, c'est plutôt les Mets. Et du coup, bah, il a fait son petit récital avec plus de sa 35-36 points sur la rencontre, sans réellement forcer. Quelques highlights, un Rudy Gobert qui a rayonné dans la raquette, et puis les Knicks qui étaient au contact, mais à chaque fois, le Jazz qui arrivait à... avec un petit coup d'accélérateur à venir un petit peu remettre les Knicks dans le vent. Bon, une rencontre où il n'y avait pas grand-chose à retenir, une défaite, pas grand-chose, bah jusqu'à la fin, hein, parce que, encore une fois, Julius Randle qui a fait des siennes. Alors oui, le match était frustrant, oui, ils n'ont jamais eu ce contrôle sur le match, mais Julius Randle s'est pris le bec en fin de rencontre pour un petit asticotage un peu trop près de son corps, à son goût vis-à-vis de Rudy Gobert. Et puis voilà, ça y est, ça a commencé des mini-échauffourées. Il n'y avait plus rien à gagner, il n'y avait plus rien à faire, plus rien à espérer. Limite, Tom Thibodeau, bench-moi tes joueurs, hein, comme ça, voilà, tu fais du vrai garbage time, et puis on n'en parle plus. Eh bien non, c'est un nouvel épisode, un de plus dans la saison bien compliquée de Julius Randle. Bon, on passe. Match d'après, Atlanta Hawks. Le parquet, le Jersey City Edition qu'on ressort, et bien un match accroché et un match sans Julius Randle, qui avait un petit peu des gènes à la cuisse, voilà quoi. Blessure diplomatique, est-ce que c'est pas un mouvement de la part du front office, de l'organisation, pour éviter les huées dans les travées du Garden le jour où on reçoit Trae Young, le jour où il y a normalement une certaine ferveur du public pour huer l'adversaire et pas le joueur? Allons savoir. En tout cas, il était sur la touche pour ce premier match. Du coup, c'est un Obi Toppin qu'on a retrouvé dans le 5. Obi Toppin, l'enfant du pays. Le slam dunk champion de cette saison. Obi Toppin, qui a fait son Obi Toppin avec du jeu proche du panier, du jeu en mouvement. Un match plaisant, un match intéressant, un match où il y a eu du défi. Un match où Obi Toppin s'est aussi fait contrer par Clint Capella, qui lui a fait la petite Mutombo style. Bon. Mais derrière, il y avait surtout deux artilleurs à Atlanta. Malgré la belle performance, le beau combat, le beau duel, il y avait Bogdan, bon, bref, vous m'avez compris, le Bogdanovic qui a fait mal, et puis le Trae Young qu'on attendait. Trae Young qui n'était pas forcément en réussite sur le début du match, même si avec lui il n'y a pas de distance et les trois points peuvent tomber assez vite. Eh bien voilà, Trae Young qui a pris un malin plaisir de jouer avec le public. Dans un premier carton où ils étaient un peu à la traîne, mais ils reviennent, ils recollent sur la fin avec un panier au buzzer, en mode quarterback. Et Trae Young, bah, qui a fait son show, qui a pris ses petits coups de chaud par moment et qui a atteint les 45 points. Donc 45 points de Trae Young, 32 points de Bojan Bogdanovic, ça fait beaucoup. Ça fait de beaucoup pour deux joueurs à la belle adresse, on le savait, et sur lesquels les Knicks avaient un petit peu du mal à répondre, même si tout le long, ça a été accroché. On y a cru, on s'est dit, et si, voilà, ce duel, ce match, cette confrontation directe pour les play-in allait dans l'escarcelle des Knicks, ça aurait pu être intéressant, une belle opération, ben, du moins pour mettre la pression en vue des play-in, mais non. Sur la fin, c'est bien Atlanta qui a fait la différence. Un match accroché, un match accroché, un match plaisant, un match avec du suspense. Atlanta, c'est pas non plus l'Atlanta Hawks de la saison dernière. Hein. On parle quand même d'une équipe qui est classée 10e au rayon des déceptions dans la conférence Est. Il y a bien évidemment les Knicks, mais les Hawks qui étaient en finale de conférence, c'est pas joli non plus. Bon, au final, il n'y a pas de sweep. Au final, les Knicks craquent en fin de match. RJ Barrett fait un bon match. Bon, voilà. Allez, on passe. Ça, c'était le premier match où Julius Randle était absent. Deuxième match, Charlotte Hornets. Autre confrontation avec un concurrent direct pour les play-in, si tant est qu'il y ait encore quelques espoirs. Mais à vrai dire, la saison, on va plus la jouer, on va plus la vivre, la subir, peut-être pas, mais en ayant d'autres joueurs, d'autres rotations, un autre style. Moins de Julius Randle, moins d'ISO, moins de côté caractériel et surtout du mouvement, du ballon qui bouge. Un scoring plus réparti avec toujours un RJ Barrett en option numéro 1. Ça va pas changer. De toute façon, on parle d'une prolongation normale de son contrat rookie, d'une extension max. À vous de nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est trop une extension max ou est-ce qu'il le mérite? Moi, à mon humble avis, je pense qu'il le mérite. Un joueur qui a du potentiel, sur lequel il faut investir et qui a la bonne bon état d'esprit, qui voulait être à New York. Même s'il a été drafté par New York dès le début, son Yo Immonics, ça voulait tout dire. Il est content d'être là, il montre une progression, et on l'a encore vu dans ce match. Un autre joueur qui s'est montré également, et qu'on a vu pas mal ces derniers temps, c'est Emmanuel Quickley. Emmanuel Quickley, toujours pas responsabilisé en tant que starter. Hein. On va laisser, enfin, Tom Thibodeau va nous laisser du Alec Burks toute la saison comme la meilleure option au poste 1. Ouais, parce que bah, Derrick Rose n'est pas là, parce que Kemba est sur la touche. Un Kemba qui, a priori, s'entraîne du côté de Charlotte. Hein. Est-ce qu'il y fera son retour la saison prochaine? On verra. Pourquoi pas, ça serait bien. Mais voilà, un Emmanuel Quickley qui est plutôt dans la seconde unit et qui fait de belles choses, qui dynamise le jeu, qui apporte son jeu à la Quickley, à savoir du flotteur, un peu de layup maintenant, des shoots à 3 points, et puis une animation, une présence au rebond. Il apporte pas mal de choses, cet Emmanuel Quickley, même s'il y a du déchet, c'est normal, c'est qu'un sophomore. Son jeu, est-ce que c'est vraiment un jeu de poste 1? Moi, je l'assimile plus à un Lou Williams, un joueur qui va apporter du scoring, qui pourquoi pas peut porter le ballon, distribuer aussi, mais il crée avant tout pour lui. Mais en tout cas, il nous montre de belles choses, et ça a été encore un artisan sur ce match. Un match où les Knicks ont été tout le temps devant, autant contre le Utah Jazz. Tout le temps derrière, là, quasiment. Là, tout le temps, on a senti que c'était eux qui menaient le tempo. Et quand Charlotte essayait de revenir, ça ne recollait pas pour eux ou on réaccélérait. Donc, un match maîtrisé, une belle surprise, parce qu'on ne pensait pas, après la défaite d'un rien sur la fin contre les Hawks, qu'ils allaient pouvoir réagir. Et si. Et c'est plutôt une belle surprise par rapport à des Charlotte Hornets, pareil, qui étaient en mode montagne russe hein, sur cette fin de saison. Leur absence de Gordon Hayward les pénalise. Et le Miles Bridges, qui avait été rayonnant lors du MLK Day, voilà, a été beaucoup plus discret. Quelques highlights, bien sûr, mais pas les 37 points et l'adresse insolente qui avait pu venir écraser les Knicks au Garden. Donc, une belle victoire, il faut le noter. Une victoire de prestige, pourront nous dire certains. Une victoire qui arrive tard. Mais voilà, ça situe aussi un peu le niveau des Knicks. Finalement, même si dans cette conférence Est, c'est assez serré dans le classement, on voit que c'est plutôt les équipes avec qui normalement on aurait dû se mêler à la lutte. Et plutôt, voilà, on est sur le dernier wagon. Autre match, Autre concurrent plutôt costaud, plutôt coriace, les numéros 1 tout simplement de la conférence Est chez eux, le Miami Heat. Miami Heat qui a fait parler d'eux par Jimmy Butler, par Udonis Haslem et par Eric Spoelstra avec l'embrouille, la querelle, le limite début de baston sur le banc. Pas très reposant, pas très calme, ça chauffe du côté de Miami, sans vouloir faire de jeu de mots. Eh bien voilà, à quoi allons-nous pouvoir attendre comme accueil? Un Miami Heat revanchard qui a envie voilà, de montrer de belles choses et qui allait cueillir les Knicks, la fleur au fusil. Hein. Encore un match sans Julius Randle. Julius Randle, petit costard rose en mode Miami Vice, mais toujours sur le banc. Donc troisième match sans Julius Randle et toujours ce même jeu, toujours ce jeu en mouvement. Mais là, attention, il y avait quand même candidat et adversaire, une grosse défense de Miami. Un RJ Barrett en difficulté. Là, beaucoup plus dur sur ce match-là, une adresse qui n'est pas au rendez-vous. Et du coup, un carton, deux cartons, trois cartons, on se dit, ça risque d'être compliqué. Ça sent la défaite logique et il n'y aura pas à rougir face à un Miami Heat. Et puis là, la fin de troisième quart-temps, le début du quatrième, ça, c'est IQ qui prend feu, IQ qui fait la différence, IQ qui redynamise cette attaque et qui va permettre de recoller au score et même de repasser devant. Là où on n'a pas reconnu les Knicks pendant une bonne partie de la saison à gâcher des avances, là, c'est Miami. Numéro 1 chez eux avec une équipe installée. Il manquait certes Tyler Herro qui est très important en sortie de banc, futur probable sixième homme de l'année, hein, ne le cachons pas. Et bien non, là c'est eux qui ont lâché, qui ont craqué en fin de rencontre avec un jeu dynamisé par les jeunes. Evan Fournier sur le banc, il faut le noter aussi. Il y a du record à 3 points pour Evan, mais là, ces derniers temps, en fin de match, c'est pas lui qui termine les rencontres. C'est du Quickley. Là, on a du Grimes. On a du McBride également. Petit mais costaud. Il apporte sa défense. Et puis, du Hobby, du Jericho Sims, du Mitch. Voilà. C'est la formule gagnante. Et c'est la formule gagnante chez les numéros 1. Donc, agréable surprise que de battre le Heat chez eux. Et puis, c'est pas une équipe comme les autres. On aime toujours battre le Heat chez eux, hein, n'est-ce pas? Bon, ça aurait pu être parfait, mais ça a continué. Ça a continué. Il y avait un autre match pour finir dimanche soir, un peu plus tôt, 21h, 21h30. Profitons-en. Il y en a plus beaucoup des matchs. Et là, c'était à Détroit. Détroit, on a gagné contre les premiers de la conférence. On doit gagner contre les derniers ou les avant-derniers. Hein, ça se joue avec le Magic chez eux. Même si, depuis la trade deadline, ils ont fait quelques changements. Marvin Bagley, qui se morfondait comme pas possible à Sacramento, bah, qui est arrivé dans le Michigan et qui joue pas trop mal. D'ailleurs, ces Detroit Pistons avaient tapé les Hawks. Hein. Dommage qu'on n'ait pas tapé les Hawks aussi, mais bon, voilà. Et donc, du coup, un début de match un peu poussif des deux équipes et surtout un retour de Julius Randle. Et on retourne d'un jeu en iso ralenti. Voilà, pas trop de pertes de balles encore en début de match. Hein. Le jeu, ok, passe beaucoup par lui, mais bon, on sent déjà un changement de rythme par rapport à un contraste évident par rapport au précédent match de la semaine. Et on se dit, attention, ce match, si on le perd, ça va encore lui retomber dessus. Bon, il n'a pas été si désagréable dans ce match. Hein. Il n'y a pas eu de craquage, il n'y a pas eu de pétage de plomb. Il y a eu du jeu poussif, il y a eu des pertes de balles. Bon, il y a eu des replis défensifs. Mais ça, on l'a dit, on l'a répété tout le long de la saison et ça le sera tout le temps. Cette saison, il passe au travers complet par rapport à tout ça. Mais voilà, sa vingtaine de points et un match surtout serré, serré tout du long. On a du mal à se détacher de ces jeunes Detroit Pistons. C'est pas foufou, hein, le roster des Pistons. Il y a du talent, il y a du Cade Cunningham, il y a du Marvin Bagley. Il n'y avait pas Jeremy Grant sur ce match. Mais des Pistons qui ont embêté, qui ont empêché un développement du jeu en mouvement. Alors, est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est Julius? Vous ferez votre avis. Mais on a senti la différence et tout de suite, voilà, un match sur lequel il y a eu des écarts de fait, mais on l'a une fois de plus laissé revenir l'adversaire qui a grappillé petit à petit son retard pour venir bah, sur les plates-bandes d'Enix sur la fin. Et un match qui se décide dans le quatrième quart-temps. Et encore une fois, les Knicks ont joué avec le feu. Mais, cette fois-ci, est-ce que Détroit avait vraiment intérêt à gagner? Est-ce que finalement, aller choper un haut pic de draft, et ils en sont tout à fait capables, c'est pas plutôt dans leur intérêt en vue de renforcer l'effectif? Bon, on peut les accuser de tanking, je ne sais pas. Ils se sont défendus, ils se sont battus. Les Knicks ont pataugé. IQ a eu un bon début, un milieu de match plutôt compliqué. Evan, pas en adresse. RG, compliqué, mais la vingtaine de points. Julius, compliqué, mais la vingtaine de points. Mitch Robinson, hein, qui est sur les scouting reports, enfin du moins dans les petits dossiers des Pistons. Je suis pas sûr qu'il ait fait le match. Voilà, défensivement, oui, il y a du rebond, il y a du contre. 5 contre, c'est beaucoup, mais en termes de points, 4 points. Il s'est fait manger dans la raquette, il n'a pas existé. Jericho Sims, pas plus non plus de présence offensive dans la raquette. Voilà, on paye aussi l'absence de meneur. Ça, c'est pas une nouveauté. Par contre, l'homme à tout faire, la meilleure solution au poste 1, c'est Alec Burks. Bah, Alec Burks, c'est lui qui nous fait gagner la rencontre. Faut pas mentir. Faut pas se voiler la face. Alors, dans le quatrième carton, il va mettre des points. Mais il va surtout faire l'interception qu'il faut sur Cade Cunningham au bon moment. Bon, erreur de rookie, il protège pas son ballon au moment de shooter, et voilà, du coup ça se termine par un succès, donc tant mieux, parce que du coup ça permet de rester sur une bonne dynamique. Il y a 3 victoires pour finir cette semaine: Charlotte Hornets, Miami Heat, Detroit Pistons. C'est plutôt pas mal, même si ça arrive un peu tard. Bon, ça c'était cette semaine. Maintenant on va regarder ce qui va venir dans la semaine. Alors, il y a eu des matchs à domicile, il y a eu des matchs à l'extérieur. Et bien, cette semaine, on va être plutôt à domicile. Ça va plutôt se jouer au Madison Square Garden avec Julius Randle. Bah oui, il est revenu. Est-ce qu'on aura un retour ou pas de Derrick Rose? On l'attend depuis un moment. Est-ce que ça vaut vraiment le coup aujourd'hui de réintégrer Derrick Rose dans la rotation? Ou plutôt laisser quelques temps de jeu, quelques minutes, quelques séquences, quelques périodes à du Miles McBride? Moi, je suis plutôt d'avis de laisser Derrick se reposer, hein, on va à l'entraînement éventuellement, mais cette saison, tu ne seras pas le facteur X qui va permettre de faire un run, donc bon, je ne suis pas persuadé qu'il y ait vraiment un intérêt à la réintégrer dans la rotation, plutôt faire jouer les jeunes, même s'ils ne sont pas au poste de titulaire. Je ne pense pas que Derrick Rose va arriver tout de suite au poste de titulaire, ça ne va pas non plus l'arrivée de Derrick Rose bousculer les plans de Thibodeau et mettre Quickley en tant que titulaire à la plaque de Burks, sinon il l'aurait déjà fait depuis un moment. Donc voilà, si c'est pour retirer du temps de jeu à McBride, je ne suis pas sûr, que ça vaut le coup. Mais en tout cas, voilà, on a 4 matchs cette semaine, 3 à domicile, 1 à l'extérieur. On enchaîne ce lundi en back-to-back après la victoire contre Détroit par les Chicago Bulls, qui eux ont envie d'éviter de glisser sur les spots 7 et 8, hein, qui seraient synonymes de play-in. Et la course, elle est quand même assez sérieuse dans la conférence Est, donc ils vont avoir envie de gagner, même si Lonzo Ball n'est toujours pas là. Lonzo Ball qui était à un moment donné sur les tablettes d'Enix sur la précédente free agency, bon, finalement, on l'aurait eu chez nous, il l'aurait eu cette saison, on aurait, je pense, pleuré son absence. Mais voilà, donc du coup Chicago, un candidat sérieux qui était très haut en début de saison, là qui a tendance à baisser, qui a besoin de victoire, ça va être un match compliqué. À voir, c'est jamais des affiches totalement différentes, hein. On est sur des affiches historiques, forcément ça parle, mais voilà, ça risque d'être un match difficile. Ensuite, dans la nuit de mercredi à jeudi, on va avoir les Charlotte Hornets qui viennent. Donc attention, petite revanche dans l'air, concurrent direct, mais les Charlotte Hornets qui ont battu les Brooklyn Nets. Donc voilà, ils s'installent bien dans ce play-in. Il faudrait un miracle aujourd'hui pour que les Knicks aillent chercher cette place. D'ailleurs, il faut le dire, un petit pourcent de chance, 1% de chance d'intégrer le top 10 à ce stade de la compétition. Hein, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de faux pas de la part des Hornets, même s'ils ont un calendrier difficile. Bah, va falloir vraiment un miracle pour aller gratter tout ça. Mais bon, jouons les matchs jusqu'au bout, donnons des difficultés aux adversaires, et puis voilà, ça sera toujours une dynamique qui sera utile pour la saison prochaine, à voir quels joueurs seront gardés. Mais tout ça, on aura l'occasion d'en parler en vue de la Free Agency. Et puis après, samedi soir, une date qu'il va falloir retenir, à une heure tout à fait raisonnable, hein, c'est la réception des Cleveland Cavaliers. Cleveland aussi qui chute dans la conférence Est, même si, encore une fois, compliqué d'aller les chercher. Mais donc, du coup, un match intéressant, un match au Garden, un concurrent direct, du moins pour la saison prochaine. Donc, à voir. Et puis, enfin, déplacement dans la nuit de dimanche à lundi au Magic. Magic qui nous a battu deux fois à domicile. Aïe, aïe, aïe. Donc là, on joue chez eux. Il va falloir rééquilibrer le bilan. Une équipe qui tank. Hein. Cole Anthony, est-ce qu'il a enlevé ses Timberland? À voir. Est-ce que Mobamba va être en forme ou pas? Un nom qui circule également dans les rumeurs. Bon. À voir. Mais en tout cas, pour le retour d'Evan Fournier à Orlando, ça serait bien qu'il nous fasse un petit carton en termes d'adresse. Et puis que ça soit un match tranquille où on déroule. À voir. Donc, d'habitude, on est deux, d'habitude, on pronostique un petit peu les résultats sur la semaine, donc 4 matchs. Qu'est-ce que je peux vous annoncer? Qu'est-ce que moi j'aimerais bien voir? Bah écoutez, 4 victoires, ça ferait très plaisir, ça ferait une grosse série de victoires qui permettrait de garder un pseudo-espoir, même si des espoirs, il n'y en a plus, mais en tout cas une très bonne dynamique. Après, on a vu qu'avec Julius Randle, le jeu s'est ralenti, on a vu qu'on n'a pas retrouvé les mêmes rotations au Bitopin, il a vu son temps de jeu drastiquement diminuer. Donc moi, je pense que ça va être compliqué contre Chicago ce soir. Ensuite, Charlotte, il y aura revanche. Ils vont vouloir se refaire. Je ne sens pas non plus une victoire. Par contre, Cleveland, je ne sais pas pourquoi, et Orlando, allez. Donc moi, j'annonce 2 victoires, 2 défaites, 1-50-50. Et puis tout ça va nous amener gentiment, mais sûrement, vers un 35 victoires à la fin de la saison, hein, histoire d'avoir un bilan pas complètement ridicule, même s'il y aura des regrets, bien sûr. Je vous ai dit que le match contre les Cavs, c'était une date importante. Et pourquoi c'est une date importante? Eh bien, c'est la dernière KNF Viewing Party de la saison. Je ne pense pas qu'il y aura de play-off, et c'est toujours compliqué de planifier quelque chose au niveau des play-offs, parce qu'on n'a pas le calendrier à l'avance. Et puis, il faudrait sortir des play-in, donc bon. Hein. Mais en tout cas, le calendrier NBA, les 82 matchs, ça se termine. La saison aura été difficile, mais ce n'est pas non plus une raison de ne pas supporter l'équipe jusqu'au bout. On supporte l'équipe dans la victoire comme dans la défaite. Peut-être qu'il y aura de la victoire, mais en tout cas, voilà. C'est le bon moment de se retrouver une dernière fois au niveau de l'association en viewing party. Donc, le 2 avril, lendemain du premier, ce n'est pas une blague, contre les Cleveland Cavaliers, on reçoit donc du coup au Madison Square Garden. Et donc, le match est à 19h. On vous donne rendez-vous à 18h30. Au Hideout, une adresse que vous connaissez maintenant, puisque c'est pas la première fois qu'on fait des viewing à cet endroit-là. Et donc, c'est l'occasion, voilà, de passer un bon moment. Le match est qu'un prétexte, mais en tout cas, voilà, on vous donne rendez-vous, les Knicks fans, pour cette date, qui est la dernière viewing party de la saison. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. Je me suis fait mon petit exercice à The Knicks Weeks en solo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette semaine, de la semaine passée, du jeu vu, Julius. Oui, j'ai déjà entendu plein de fois qu'il faut le trader. On aura l'occasion d'en parler. Il y a une réalité contractuelle. C'est pas si simple de trader un joueur de ce type avec ce contrat à cet âge, même s'il n'est pas vieux, dans une période où sa cote est au plus bas. Donc, c'est pas le tout d'avoir envie de le trade. Est-ce qu'il y a des équipes qui seront intéressées? Bon, on aura l'occasion de revenir dessus et d'en reparler un petit peu. En tout cas, voilà, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine, de bien vous porter et de vous donner rendez-vous pour le 2 avril pour la KNF Viewing Party. D'ici là, portez-vous bien et let's go Knicks! Ciao, ciao!